CIFOU 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Décision 1 de 1 du 89.1. C'est les palmarès CIFOU. Bonjour et bienvenue au Palmarès CIFOU pour la semaine du 24 avril au 7 mai 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Oui, c'est une période de deux semaines, ce 24 avril au 7 mai, parce qu'on est rendu sur un nouveau beat, un nouveau rythme. Exactement. Hein? C'est la dernière de la saison. On a eu des palmarès à chaque semaine depuis le début de l'automne. On est passé aux deux semaines récemment. Là, ça va être à partir du mois de juin. Je crois que ça va être au mois, quelque chose comme ça. On varie, c'est pour changer. Changer de mal de place. Ben oui, il faut. C'est comme ça. On fait du changement. Nous, on innove. L'émission donc d'aujourd'hui va être la dernière de la saison. Après ça, cet été, on va jouer les palmarès c'est fou dans l'émission Assemblage requis les jeudis après-midi. Mais c'est pas grave, on va en profiter une dernière fois. 3 heures ensemble, Tania. Oui. Top 20 francophone, top 20 anglophone. La dernière fois qu'on s'est rencontrés la semaine passée, le numéro 1 anglophone, c'était Napalm Pom avec Get Love sur l'album The Core Competencies of Napalm Pom. Et du côté francophone, eh bien, c'était la sortie de Samuel ou Samuele. Samuel. On sait pas trop encore. Cette semaine, on a vraiment plein de nouvelles entrées. Du côté anglophone, j'en compte 6. On va avoir entre autres Goldfrapp, John McKeel, Mac DeMarco, Amelia Curran, Said the Well et Bombargo. Du côté francophone, on devrait en avoir aux alentours de 7. Donc, c'est-à-dire que Mardi Noir va faire un retour dans les palmarès. On va aussi voir François et The Atlas Mountains, Laura Cohen et Catherine Leduc. Wow, hey, ça en fait des choses, ça. Il y a plein de monde. Alors, on va aussi avoir deux montages Palm Rest in Peace parce qu'on n'a pas fait ce montage-là de pièces qui nous ont quittés depuis avant mon congé pour arrêt de travail de bras fracturés. Là. Oui, c'est vrai. Donc, on va reprendre le temps perdu avec deux blocs de Palm Rest in Peace en première et en troisième heure, probablement, parce que tu vas nous quitter avant la fin, toi, c'est ça? Oui, exactement. Comme on a expliqué ce matin à la radio dans l'émission Assemblage requis, bien, je dois quitter un petit peu plus tôt, aller chercher une voiture de location. Oui, on racontera l'événement une deuxième fois. Tout à l'heure, pourquoi pas, pour ceux qui l'ont manqué. Ben oui. Mais on débute avec une nouvelle entrée en 20e place. En anglophone, c'est Bombargo avec Pour Me Another. Et du côté francophone, eh bien, c'est Hiver nucléaire de Mardi Noir. C'est les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. nouvelle entrée. Pour me another, you're gonna miss me when I'm 19. Nouvelle entrée. My sweet light, sweet love of mine. Might never again feel like it's the right time. If it's the end, well, let's cross that line. Let us step into the darkness. Let's step into the darkness. I was a ghost, you were the fear of God. All of my shrines, all broken hearts and wind chimes. I was alive, just waiting for the hand of time. All of my ghosts went up in the smoke and through the window. Child and happy just to play the game. I waste my years waiting for the wind to change. I heard you singing in the street last night, singing my song, live long for the sweet light. I started singing but the words felt so wrong, singing that song when the darkness feels so right. My sweet light, sweet love of mine. Step into the darkness. I heard you singing in the street last night, singing my song, live long for the sweet light. I started singing but the words felt so wrong, singing that song when the darkness feels so darkness. Ils sont enfin de retour, Seth the Whale, avec leur nouvel album As Long As Your Eyes Are Wide. La pièce s'appelle Step Into the Darkness. C'est un groupe indie rock de Vancouver qui a été lancé par Ben Worcester et Tyler Bancroft en 2007. Du côté francophone, eh bien, on a entendu Françoise avec Coconut Motel. Vous aurez deviné qu'elle parle bien évidemment du Coconut Motel à Trois-Rivières. Sortie Trois-Rivières, elle l'a dit. Eh bien oui, mais Françoise, Mathieu, c'est pas une seule fille. Ah. C'est un groupe, en fait, qui s'appelle Françoise. On parle entre autres de Marie-André, Marc-André Baudouin, oui, qui a fait partie de Balmoral, Rose Fargo, Palais, Corail Park et aussi Jacinthe Riopelle. Et ils se sont alliés comme ça pour créer le groupe Françoise. Et son nouvel IP, qui est Amour d'été, eh bien, vous l'aurez deviné aussi, c'est justement avec des sons qui sonnent un peu années 60. Ouais. C'est vraiment ce qu'on a été exactement recherché. Mais il y a beaucoup de pièces qui sonnent justement pop vitamine C, mettons, là, pour le début de l'été. Ça fait changement, j'aime bien. Oui, tout à fait. Avançons en 19e position anglophone, une nouvelle entrée de la 20e, pardon. J'ai dit tantôt, j'ai dit 20, mais c'était 19, et l'avant, ça, c'était la 20e, on se comprend. Bombargo avec Pour Me Another, celui qui faisait très Steve Hill, un petit peu. Là. Donc, c'est un artiste indépendant du rock alternatif canadien, ça, Bombargo. L'album s'appelle We Are Bombargo. Et ceux qui sont retournés au palmarès francophone, eh bien, c'est Mardi Noir avec l'album L'œil de la tempête, mais la pièce Hiver nucléaire. Vous l'aurez deviné, Mardi Noir, ça fait quand même depuis 2012 qu'on fonctionne très, très bien sur la plage rock du Québec, Ben de Montréal. Donc, on parle de rock franco, post-punk, post-progressif aussi, et des sons, des textes qui vont être forts et des mélodies qui vont être recherchées et accrocheuses. Génial, ça. On passe maintenant, après les 20e et 19e, au 18-17. donc en anglophone. Plus tard, on aura Amelia Curran avec Gravity sur l'album Watershed. Mais on commence tout ça avec Of Course et Marilyn. En français, ça. Eh bien, oui. Of course, bien of sûr, course. Du coup. Ouais. Of course. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89. Bon, bien sûr, on... We holler and holler and holler and holler. Amelia Curran et la pièce Gravity sur l'album Watershed, numéro 38e place anglophone. C'est une Canadienne auteure, compositrice, interprète. Elle vient de Terre-Neuve. Oh, et du côté francophone, eh bien, c'était Of Course avec la pièce Marilyn. On parle d'un band de Montréal indépendant. Donc, on a commencé à faire un groupe en 2015. On a pris un ancien groupe de métal adorateur de Satan, puis on leur fait sentir un bouquet de pissenlits en transformant leur disque de Slipknot par des disques de James Brown, et c'est devenu Of Course, donc je pense qu'Isabelle Boulay vient de faire ça. Elle aurait probablement, ça serait probablement retourné, elle aurait dit que c'est le meilleur groupe qu'elle a jamais entendu et que si elle pouvait avoir leur voix, elle l'aurait. Voilà. Alors, on n'a même pas entendu encore la moitié de nos nouvelles entrées, ça n'a pas de sens comment cette semaine est remplie de nouveaux stocks. C'est fou. Alors, on va passer au position numéro 17, en anglophone c'est Mac DeMarco avec This Old Dog, c'est un simple du côté anglophone. Et du côté francophone, eh bien Catherine Leduc avec La Fin. Ou le début. Catherine Leduc, si je me trompe pas, tu me diras tantôt, mais je crois que c'est la fille de Tricot Machine. Ouh! C'est les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Mmh.

16. Nouvelle entrée. If this weather ever gives it up, I can see you gray and worried. Even though it was a hard luck, don't pretend to be seasoned and sorry. Yes, Brothers par John McKeel pour son numéro 16 anglophone sur l'album Memorial Ten Count. Et lui, il vient de Nouvelle-Écosse. Ouh, une autre qui vient pas nécessairement d'ici, mais qui se retrouve dans le palmarès francophone, c'est Laura Cahen avec Réverbère en 16e franco. Eh bien, c'est une auteure, compositrice, interprète française qui est née à Nancy le 19 octobre 90, mais elle est aussi origine slave et arabe. Oh. J'aime beaucoup le timbre de sa voix. C'est très folk, on dirait, tout en étant français, donc quasiment poétique. Ouais, elle prononce couchant, couchon. Couchon. Ah. Alors, on s'en a entendu en 17e place anglophone, Mac DeMarco avec This Old Dog. C'est un simple. Mac DeMarco, je ne sais pas que c'est un gars simple du tout. Non. C'est un musicien canadien né à Duncan, en Colombie-Britannique. Il a grandi à Edmonton et déménagé à Vancouver après le collège. Oh, ouais! Du côté francophone, eh bien, on a entendu Catherine Leduc avec La fin ou le début. Catherine Leduc, Mathieu, tu me disais tout à l'heure que c'est l'ancienne fille de... Tricot Machine. Elle n'a pas l'air de focusser trop là-dessus de nos jours, étant donné la mode qui est passée. lancé pour Coco Machine, j'imagine que... Ouais, exact. Ben, ouais. On s'est lancé un petit peu dans le folk en 2014 avec un album qui est quand même apparu de façon solo. Oui, qui les a été vieux très hiboux bien là-dessus, exactement, la chanson. Qui a été très bien reçu aussi. Puis en 2017, eh bien là, on sort prochainement le prochain album qui est Un bras de distance avec le soleil. Donc le 26 mai 2017, le nouvel album va être sorti. Mais vous avez le droit à un petit aperçu. Hein, on est de même. Ça. Le soleil couchon. Exactement. Maintenant, on passe à un autre bloc de nouvelles entrées. Oui, ce n'est pas encore terminé après 45 minutes eh de nouvelles entrées. Non. Mais non. Plus tard, on va entendre en anglophone Gold Frap avec la dernière nouvelle entrée de ce côté-là. C'est la pièce Anymore sur l'album Silver Eye. Mais on va commencer tout ça avec François and the Atlas Mountains avec Tendre et l'âme. Et encore une fois, c'est aussi en français. Eh bien oui. C'est bizarre cette semaine. C'est comme ça. C'est pas mal, c'est fou. Au 89 FM. The Crazy Countdown. Sur l'étoile, soir se livre. Fixe la lune en équilibre, tendre son âme. Sur la ville cubiste et tendre, ses rêves comme une pluie de sang, tendre son âme. Voix d'homme forte insiste, le cri redescend l'artiste, comme les contes, l'école qui le cuise, dont l'alcool laconique nique son âme. Et dans le club, la danse la triste, quand lui s'élance le disautiste. Quand passe l'heure qu'il espère, qu'il enlace et qu'il prend son âme. Viendra celui qui désespère, un peu comme lui si sincère. À le faire descendre, lui résister. Le feront descendre s'ils insistent. Verront s'épandre un volcan triste, cendre et lave. Le sommet penché, il vit. Solides sont les allées publiques. Contre l'âme, les voix comme les coups des femmes. Attendez cela. Entrée. You're what I want. Nouvelle entrée. Et Halo Mode. Halo Mode. Comme un mode de Halo, mais c'est Halo Mode. Avec la pièce Du Pouvoir en francophone. Ok, oui. Avant ça, du côté anglophone, on a entendu Gold Frappe. Ce que j'ai beaucoup aimé, son très plaisant à entendre, oui. je vais t'avouer, avec Anymore sur l'album Silver Eye. C'est de l'électropop, collaboration entre Will Gregory et Alison Gold Frappe, qui s'est fait remarquer comme chanteuse sur les premiers albums de Tricky et de Orbital. On l'a aussi entendu en numéro 15 francophone. François and the Atlas Mountains, qu'on a aussi entendu ce matin dans l'émission Assemblage Requis. Mm-hmm. Tendre et l'âme, c'est la 15e position francophone cette semaine, ou du moins pour les deux prochaines semaines. On parle d'un band qui vient d'ici, de pas très loin, dans le style indie pop afrobeat. Donc, on joue vraiment dans pas mal tous les styles, je te dirais, avec surtout cette pièce-là. Quand on dit Atlas Mountains, je trouve que ça touche pas mal tout ce qui englobe les styles musicaux d'un peu partout. T'as pas dit que ça va grimper jusqu'au sommet un jour? C'est sûr que ça va grimper jusqu'au sommet de la montagne. Alors, on va sauter par-dessus plusieurs trucs en cette fin de première heure. Donc, on saute par-dessus, malheureusement, la 14e francophone. C'est anglophone, c'est Galaxies de Jen Grant qui monte de la 17e place, mais en fait, la semaine passée. En 13e, on saute King Gizzard and the Lizard Wizard avec Anoxia qui descend de la 6e. En 12e, Timber avec Grifting qui monte de 7, nouvelle entrée de la semaine passée. Même chose pour la 11e, par Hot Kid et Caught in the Light de l'album Late Night Mornings. Et du côté francophone, eh bien, on va sauter par-dessus la 13e position qui a monté de 7 positions depuis la semaine dernière, c'est-à-dire Canaille avec Backflip. On va aussi sauter par-dessus la 12e qui est Gabriel Noël avec Les 7 juin qui lui est descendu de 7 positions depuis la semaine dernière. Aussi Tendre, Se voir partir et on va se retrouver pour la 2e heure. Absolument, dans la 2e heure, il va y avoir les positions 10 à 6 ainsi que le bloc de Palmer Rest in Peace et évidemment les pièces qu'on vient de sauter qui sont les plus récentes vont avoir leur chance de peut-être jouer d'ici la fin de l'émission. C'est les Palmer Rest in Peace pour encore 2 heures. Ok, oui, au 89 FM. Vous êtes assez fou. 89. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. C'est la 2e heure des palmarès, c'est fou pour la période du 24 avril au 7 mai 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, c'est la finale de la saison aujourd'hui. On se prépare pendant l'été en tant qu'émission, malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Bah ouais, hein, que voulez-vous, les palmarès sortent aux 2 semaines, puis après ça au mois, à partir du mois de juin. Et donc, il n'y aurait pas grand-chose à jouer dans cette émission si on était là l'été. Par contre, les palmarès, c'est fou vont jouer dans Assemblage Requis les jeudis après-midi. Ben oui, tout à fait. Entre 14h et 17h. Nouvelle case horaire pour cet été, on s'essaie sur un jeudi. Pourquoi pas? On aime ça. Avant de poursuivre avec la 2e heure à proprement dite, hein, les positions 10 à 6, tantôt on a fait jouer plein de nouvelles entrées et on n'a pas fait de montage pour dire au revoir aux nouvelles entrées depuis que j'étais pas là. C'est vrai. Pendant le mois de mars et avril. Donc on va retourner en arrière pas mal loin, en fait. Oui, très très loin. Jusqu'au début du mois de mars. Donc voici un premier bloc de Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis le mois de mars 2017. passé, je crois enfin tout comprendre. On a commencé tout ça avec De La Reine et L'Impérative qui sont restés au palmarès pendant 8 semaines. Ensuite, Paupière a cligné des yeux et on les a perdus de vue avec Rex qui a duré 11 semaines. Jet Cool se l'est coulé douce à la plage qui est resté là pendant 7 semaines. Ah, Autopilot a fait une panne avec Hurricane qui a duré 2 semaines. Elephant Stone a manipulé pas mal tout le monde avec Manipulator qui est resté là pendant 5 semaines. Ça, c'était pour la semaine du 6 au 12 mars. Ensuite, on a passé la semaine du 13 au 19 mars en commençant par Caravan et Boogie Baby qui s'est fait avoir après 5 semaines. Ludovic Allary a déménagé avec l'appartement qui est resté là pendant 7 semaines. Ensuite, Alpha Trust s'est trouvé une bouteille de Flex Seal. Tu sais, là, le gars, il fait ici un bateau en deux. Oui. Puis, ça a duré 3 semaines. Et par la suite, Ostra avec Utopia est resté là pendant 7 semaines. J'ai oublié de dire que la pièce s'appelait La Fuite, c'était moi. Ouais, c'est ça. Ensuite, Darcy's, c'est calé. Je pense que oui. Coming Up For Air qui a duré 7 semaines. Timber, filait pas tant que ça avec Sour Blues qui est resté là pendant 6 semaines. Et Heat s'est fait mettre un couvercle de chaudron dessus avec Lush qui a duré 7 semaines. Alors, la semaine du 20 au 26 mars 2017, eh bien, Peter avec Bien Réel nous a quittés après 8 semaines. Les Dale Hawer Chucks s'est fait péter le bouton dans sa face, même s'il y a plein de filles qui tournent après. C'est Lemmy, c'était l'histoire du gars avec le bouton dans la face. Oui, c'est vrai. Lemmy qui a duré 7 semaines. Tegan and Sarah, une pièce qu'on a adorée avec U-Turn qui est restée pendant 6 semaines. Bronco a fini par atteindre le sol avec Falling Free qui a duré 9 semaines. Cold Folks avec Jelly Roll est restée pendant 7 semaines. Ensuite, pour la semaine du 27 mars au 2 avril 2017, Matt Visio a explosé à Fukushima qui a duré 3 semaines. Chocolat avec Loulou est resté probablement le plus longtemps avec 9 semaines. La conversion des sauvages a dû abattre sa pièce Jappe le chien qui a duré 8 semaines. Et Japan Droids avec Near the Wild Heart of Life est resté là pendant 8 semaines. Ça, c'était pour la période du 6 mars au 2 avril 2017, donc depuis mon départ célèbre pendant quelques semaines. Exactement. Et jusqu'à la moitié environ. Tantôt, on va faire un autre bloc du 3 au 23 avril. Et si vous avez trouvé ça long, 7 minutes 33, vous avez trouvé... Attendez le prochain. Ça, c'était 7, celui-là était plus long. 7 minutes 53. L'autre va durur 7:33. Donc pour la période du 3 au 23 avril. Je sais pas, il n'y avait pas grand monde pour faire jouer ces nouvelles entrées-là, mais Colin, qu'on s'est donné à cœur joie sur les nouvelles pièces et enlever les anciennes. C'est vrai, hein? Donc, il faut bien faire le ménage là-dedans. On fera ça dans la troisième et dernière heure de l'émission, mais pour l'instant, on retourne à nos positions numéro 10. C'est le début de cette deuxième heure. Donc, en anglophone, on entendra Ty Siegel avec Black Magic qui monte de 8 places et de nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, eh bien, on a descendu de 7 positions. Ouf. C'est Olinéa avec La Somme. Dans les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Ka-ha!

Clever Fool. The Harpoonist and the Axe Murderer. Au numéro 9. Ouh, et en 9e francophone, eh bien, c'était Embarcadère de OP. Ben oui, Embarcadère. Ben oui, Embarcadère. Embarque-don. C'est comme l'embarque à bière, le débarque à bière, en fait. C'est pareil. C'est tout à fait à côté. Oui, tout à fait. La chaise galerie ne veut pas de ce nom, mais je l'ai nommé le débarque à bière. Le débarque à bière. Parce que c'est le débarcadère de bière. C'est vrai. Je garde ça pour moi. C'est correct. Donc, toujours au palmarès, c'est fou. On a déjà fait la moitié de notre émission, environ. Ouais, à peu près. Donc, on y va avec les prochaines positions, c'est-à-dire les 8e en anglophone. Ce sera Crystal Fairy avec Chiseler, ne pas confondre avec Chrysler, 8e oui, place et stable. Faites attention, ce n'est c'est pas facile. Des fées. Non, ce n'est pas des fées, c'est même très violent comme. Exactement. Ok, je vais relativiser. C'est pas très violent. C'est violent pour 7h30 le matin quand on l'a fait jouer en fois. Exactement. Mais quand même, ça devrait bien aller. Tout à fait. Du côté francophone, on va aller entendre la 8e, qui est montée comparée à la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on était en 11e position. C'est Matt Vezio avec Réparer le départ. C'est le genre de place où il faudrait que je fasse comme un faux départ, là, comme genre la faire jouer, mais oups, je me suis trompé, puis là, je l'arrête, puis là, je la repars. Ah, oh, c'est vrai. Réparer les départs. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Ça vaut à off en fin de session. Hein? Oui. Des images perdues sous l'escalier, sous des vagues étendues, oubliées. Des îles abandonnées. J'ai vu le sablier tomber à l'eau, tomber à l'eau. Des mille légers à dormir au soleil oublié. C'est fou! 89. Par Crystal Ferry, c'est la position numéro 8 de notre palmarès anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était Réparer le départ de Matt Vezio. Mm-hmm. Mm-hmm. Nous voilà qui continuons comme ça cette émission-là des palmarès c'est fou jusqu'au numéro 1. Les choses avancent quand même, roulent à pas pire. Oui. Pas pire, contrairement oui, oui. à ton auto. Qu'on a dit qu'on allait, raconter l'anecdote pour les gens qui l'ont manqué ce matin c'est à son avocat. Raconte-nous ça, comment ça, dès le départ, là, dès le début. Dès le début, encore? OK, bien, si en fait... Si c'est la deuxième fois en nom, on va ouais, se dire. Ouais, c'est vrai. Bien, en fait, mon ami et moi, on s'en allait... on s'en venait ici à l'université. On est parti pour ceux qui connaissent bien le coin de Trois-Rivières, on est parti du coin des Forges et des Cyprès, donc à côté du McDonald's. Si près du McDonald's. J'étais si près du McDonald's. On a tout simplement arrêté de chercher un café. Tout ça, on attendait pour tourner à notre lumière, tourner à gauche. Chose qui a été indiquée par le panneau indicateur, c'est-à-dire qu'on avait une flèche vers la gauche pour tourner vers la gauche. C'est une nouvelle signalisation. Les gens ne sont pas encore habitués. Exactement. C'est ça. Bon. J'ai procédé à mon virage. et puis, à un certain moment, j'ai réalisé qu'une voiture, ça venait en contresens et qu'elle n'était pas censée être là. Alors, je me suis dit, bon, ben j'ai comme quelques instants simplement pour faire une manœuvre quelconque pour faire en sorte qu'elle ne ramasse pas le côté entier de ma voiture, ce qui va faire en sorte qu'on va flipper. Tu avais une passagère en passant. Exactement, j'avais une passagère, donc je voulais surtout pas qu'on arrive à tuer ma passagère. Alors, j'ai fait un peu de drift, merci à mes connaissances de course automobile. J'ai fait un peu de drift et j'ai fait en sorte que le derrière de ma voiture se ramasse dans son champ d'impact pour qu'elle puisse j'ai tout simplement attrapé le derrière de ma voiture et non pas le côté complet. Tout ça en une demi-seconde, là, rappelons-le. Oui, exactement. Donc, c'est ce que j'ai fait. On a fait un beau 180 degrés sur nous-mêmes. On est allé cogner sur le terre-plein. Puis, c'est ainsi que ma voiture est décédée. Ah, c'est confirmé, elle est décédée. Ben, c'est pas encore confirmé, mais elle est décédée du derrière, en tout cas. Oui, parce c'est ça. Il y a plus de suspension, il y a plus de ligne à break, il y a un bearing de roue manquant. Elle était pas en bonne forme après cet impact, malheureusement. Et j'imagine que ce sont des choses qui arrivent, la madame, ou du moins les madames à l'intérieur de la voiture. Elles étaient quatre et personne n'a remarqué que... La lumière était rouge. C'est ça. C'est ça. Et la dame l'a avoué complètement, là. C'est, oui, c'est tout à fait. J'étais quand même à remercier la dame de l'avoir avoué parce qu'il y en a qui ne l'auraient pas nécessairement avoué. Il aurait pu avoir un hit and run. Tout le monde était assuré en plus, donc tout va bien. Exactement. Ben, moi, au début, j'étais certaine que la madame était en train de faire un hit and run parce qu'elle a comme disparu du champ de vision. Mais non, elle était tout simplement intelligente et elle essayait de se tasser de la circulation. Chose que j'étais incapable de faire puisque j'avais plus de roues, j'avais plus de suspension. Il me restait pas grand chose, en fait. Mais toi, t'es là, au moins, et ta copine, ton amie Lintan aussi. Donc, même s'il y a quelques petites douleurs à quelques endroits, peut-être une visite à l'urgence, au moins vous êtes en sécurité. On va voir dans quelques heures comment ça se passe, mais on va peut-être aller passer une petite soirée à l'urgence. Mais la raison qu'on en parle maintenant, c'est que dans à peu près 15 minutes, tu vas nous quitter, peut-être même avant, pour te rendre jusqu'à ton rendez-vous pour aller emprunter une voiture de location. Exactement. Dans approximativement peut-être 5 à 10 minutes, là, je vais devoir quitter. Parce que, bon, évidemment, ma voiture est complètement. Capoute. Capoute. Là, je peux pas la conduire. Et comme je dois être ici assez de bonne heure à la station de radio, bien, ça me prend une voiture. Chose qui est quand même pas assez facile à trouver dans la ville de Trois-Rivières lorsque tu n'as plus de voiture à ta position. Et on sait qu'avec la célèbre communauté de la STTR à Trois-Rivières, si tu veux partir du Cap de Madeleine pour venir animer ici, il va falloir que tu partes à 6 heures du matin. Si c'est pas plus. C'est ça. Donc, si c'est pas 5 heures, je me lève déjà à 5 heures. Donc, c'est une bonne chose, là, mes assurances couvrent la location de la voiture, donc je vais aller prendre possession de cette nouvelle voiture. Puis on se fera un petit road trip avec ça, mais pas proche. Jusqu'à l'urgence. C'est ça, jusqu'à l'urgence. Ah, wow. Rien de moins. On souhaite que ça aille bien pour le reste. Oui, tout à fait. Que ça se reproduise. Merci, c'est gentil. Mm-hmm. Non, on se croise les doigts, on touche du bois. Ouais. Je sais, c'est pas du vrai bois, là, mais... Je pense que oui. On va continuer à toucher du bois pour que ça soit le premier accident... Et dans ma vie, dernier. Et le dernier. Voilà. On est rendu au poste numéro 7. En anglophone, ce sera Jack Green avec Tu sais qui monte de deux places. Et du côté francophone, eh bien, on a monté de deux positions depuis la semaine dernière. C'est Paupières avec Sans ailes. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Trop fort pour moi. partira pas. Hein. Non. Dès qu'elle fasse des C'est Gérald. Il dit, là. Il dit plus. Non. C'était Jacques Green avec sa pièce Toussaint qui monte de deux places. Troisième semaine de présence sur l'album Feel Infinite. On a aussi monté de deux positions du côté francophone avec Paupières et Sans ailes. C'est déjà le moment de se dire au revoir, Tania, toi oui, et moi. Ben oui, c'est déjà comme ça que ça se passe. C'est pas grave, on va passer le reste de l'émission ensemble quand même. Il reste environ 1h10, mais oui. On te souhaite un bon rendez-vous chez le concessionnaire de voiture, je sais pas quoi, de garage. Merci. Location de voiture, oui. Location de voiture. Exact. Et puis j'espère qu'ils vont te donner un beau petit modèle. Hey, moi aussi. Je me demande ce qu'ils vont me donner. T'as pas le choix, hein, tu prends ce qu'ils te donnent. Ben j'ai, j'ai certains, parce que j'ai travaillé en location de voiture. Pendant quand même un bon bout de temps, ouais. Lorsque j'habitais à Montréal pendant mes études. Puis j'ai des amis qui sont toujours là-bas, qui sont rentrés dans le système informatique ce matin et qui ont marqué comme VIP, ex-employé Enterprise. Donc j'ai hâte de savoir qu'est-ce que je vais avoir comme ça. Tania Baudin, la VIP. T'as travaillé là un an? Trois ans. OK, ça c'est le concessionnaire, t'as travaillé là un an. Location voiture, 3 ans. Oui, exactement. C'est ça? Wow. En fait, ça faisait partie de la même compagnie, les deux. Bon. Donc, bonne chance avec ça. Nous, merci pour l'instant, là, on retourne aux positions numéro 6. Tu peux m'aider à les annoncer si tu veux. En anglophone, ce sera Chouchou avec Wandering, oui, qui monte une place, 4e semaine de présence. L'album s'appelle Forget. Et du côté francophone, eh bien, on a monté de 4 positions. C'est Junior avec Extra Lucide. Oh, miam! Oh, je me rappelle, jamais le petit Junior. Ah, le petit Junior plaît. Oh, oui. Bacon. Extra Bacon. C'est les paroles, c'est fou. Au 89 FM. Tu voudrais qu'on se lance entre les gouttes. Tes bijoux en toque, tes histoires de voyous. Au fond, tu t'en moques et tout le monde s'en fout. En air de guitare, en air blasé. Mais vaut se lever tard quand on est mal luné. Ce qui ne te tue pas, comme dirait la voisine, te grise parfois quand la lumière décline. C'était Chouchou avec Wandering pour son numéro 6 qui monte d'une place sur l'album Forget. Et avant ça, en francophone, on a entendu Junior avec Extra Lucide qui monte de 4 places. Donc, 3e semaine de présence sur l'album Oulala. C'est là-dessus que se met la 2e heure des palmarès. C'est fou, il nous en reste une 3e. On va savoir tantôt si le numéro 1 en francophone, c'est toujours Samuel avec La Sortie, et en anglophone, Napalm Palm avec Get Love. La réponse dans un petit peu moins d'une heure. Tout ça et un 2e bloc de Palmarès in Peace dans les palmarès. C'est fou dans quelques instants. Restez là. Des palmarès, c'est fou pour la semaine du 24 avril au 7 mai 2017. Je m'appelle Mathieu Plante, Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine, ainsi qu'à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Dans cette 3e heure, le top 5. Oui, le top 5 de nos palmarès pour cette petite période de 2 semaines. On va continuer comme ça aux 2 semaines pendant un certain bout de temps. Après ce mois de juin, je crois qu'on passe une fois par mois jusqu'à l'automne. Et l'émission va être hors onde des palmarès C'est fou pour l'été. On va être par contre en petit bloc dans l'émission Assemblage Requis tous les jeudis entre 14h et 17h à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine étant le 4. Mais voilà. Commençons par les positions numéro 5 dans cette 3e heure. Donc en anglophone, ce sera The Franklin Electric et I Know the Feeling qui descend de 2 places. Mais avant ça, voici Pony, un petit pony qui monte de 2. La pièce s'appelle Brise-glace au palmarès. C'est fou. Donc vos oreilles au 89 FM. Last night, and you never.

Et quatrième position en anglophone, on vient entendre Astra avec Future Politics qui monte d'une place. Et avant ça, c'était Samuel avec l'ancien numéro 1 francophone, la sortie sur son album Les Filles Sages. Malheureusement, ça veut dire qu'on a perdu Samuel au sommet, mais qu'on a rattrapé quelqu'un qui vient de monter au sommet. Donc félicitations à la prochaine position numéro 1. On va voir, ça va tenir au moins 2 semaines. On sait, les palmarès vont être aux 2 semaines pendant un petit bout de temps. On passe aux 3e place maintenant. Le temps avance énormément rapidement et on a encore Palm Rest in Peace à faire, donc ne perdons pas plus de temps. En anglophone, c'est Nipom Pom avec Get Love qui est lancé numéro 1. Donc voilà, un nouveau numéro 1 anglophone aussi. Mais en francophone, tout de suite, voici les deux luxes avec leur nouveau classique Diable du printemps. Oh, pas là, c'est fou! Oh oui! Tu chantes dans le même registre que je n'entends toujours pas. Entends mon fiel comme une promesse, non pas d'amour mais de détresse. Ma rage est une arme de guerre qui n'attendra pas tes prières. Yeah. Sidney Pompom et la pièce Get Love en position numéro 3 anglophone. Avant ça, c'était les deux luxe avec Diable du printemps qui monte de 3 places. Du côté anglophone, c'était l'ancien numéro 1. Donc ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 anglophone. On a dit tantôt qu'on avait un nouveau numéro 1 francophone. Mais avant de passer au numéro 1, il nous reste encore les numéros 2. Ensuite de ça, on va avoir Palmer's in Peace, les numéros 1. Et après ça, si on a du temps, on reviendra à des pièces qui étaient nouvelles la semaine passée et qu'on n'a pas encore eu tellement de chance d'entendre. Donc en deuxième place anglophone, ce sera The Cities avec River View Fog qui monte de 2 places. Mais avant ça, voici Aqua Serge qui monte de 6. Septième semaine de présence, c'est la pièce Tour du Monde au Palmarès. C'est fou sur les 89 FM. We'll be right back. 2. Avec Riverview Fog. Oui, c'est votre radio puis c'est votre stream qui plante. Riverview Fog, The Cities, position numéro 2 qui monte de 2 places en anglophone. Et avant ça, c'était Aquaserge avec Tour du Monde qui monte de 6 places, 7e semaine de présence, pardon. Avant de passer au numéro 1, c'est le moment de retourner un petit peu en arrière à voir ce qui s'est passé depuis le mois d'avril. C'est le deuxième segment de Palmarest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui ont quitté depuis le mois d'avril. Pix de chicks dans ma chambre, je sais, c'est triste. Oh, et c'est dur à comprendre. Hey! All the world you've made. seven ugly reasons kept me away from you then. Ooh. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I'm not the one who's always right. I'm not the one who's always right. I'm not the one. Avril 2017, oui, toutes ces pièces-là juste depuis le début du mois d'avril. On n'a même pas encore terminé le mois et il s'est passé un méga ménage du printemps. En commençant avec la semaine du 3 au 9 avril 2017, on a entendu Murmure avec Echo qui s'est posé un bandeau sur la bouche après 7 semaines. Et Bill Bilodeau a fini par avoir la réponse à la question « Tu me dirais-tu? » Puis la réponse était « Ouais, mais va-t'en. » Après 5 semaines, The Pretty Reckless est retourné à la rivière, Back to the River, qui a duré 9 semaines. Return for Refund s'est fait rembourser avec Lift You Up, qui a duré 4 semaines. Century Palm est parti avec Din Your Gun, qui a duré 7 semaines. Ty Siegel a fait sa formule de politesse et est parti avec Thank You Mr. K après 8 semaines. The Louia s'est retrouvé sur le chômage avec Self Unemployed, qui a duré 7 semaines. Ensuite, la semaine du 10 au 23 avril 2017, Claude Pelgag a fini par perdre pied avec Les Instants d'équilibre, qui a duré 8 semaines. Groupe Doué et Cheveux s'est fait couper avec Je Penche, qui a duré 7 semaines. Calypso Valois a vu tomber la nuit avec Le Jour, qui a duré 6 semaines. Le Couleur a perdu contact avec Premier Contact, qui a duré 7 semaine. Barba Gallo s'est trouvé un autre nouveau Sidobré qui a duré 6 semaines. Mardi Noir a vu passer des années devant lui ou elle avec des jours et des mois qui a duré 7 semaines. Saratoga a tellement dansé lentement qu'il s'est arrêté avec Danser lent qui a duré 9 semaines. Leaf Volebec s'est fait voler le bec avec Elegy qui a duré 4 semaines. The XX s'est fait raccrocher au nez avec On Hold qui a duré 4 semaines. Cloud Nothings a découvert un nouveau monde avec Internal World qui a duré 7 semaines. Home Shake s'est débarrassé de chaque affaire qu'il pouvait, même sa pièce Every Single Thing qui a duré 7 semaines. Drive By Truckers s'est fait klaxonner avec Surrender Under Protest qui a duré 7 semaines. Et Los Campesinos a pris une dose mortelle de Fluclooxacilline qui a duré 7 semaines. Voilà pour les pièces qui nous ont quittés depuis la période du 3 au 23 avril 2017. En début d'émission, on avait dit au revoir aussi aux pièces de la période du 6 mars au 2 avril 2017. Donc, en dedans d'un mois et demi, deux mois, on s'est débarrassé de tous les palmarès, je pense. J'ai pas le compte final devant moi, mais je pense qu'on s'est débarrassé de tout. Parce qu'en tant que tel, qu'est-ce qui dure depuis plus longtemps que 3-4 semaines? On a encore, tiens, Aquaserge qui va jouer tantôt. Qui a joué tantôt, oui, précédemment. Qui est là depuis 7 semaines. Gabriel Noël qui est à 6 semaines. The Franklin Electric à 8 semaines. Et Nipom Pom à 7 semaines. Sinon, le reste, c'est pas mal des vieilles, des nouvelles choses. J'ai dit qu'il nous restait seulement les numéros 1 à entendre. Il nous reste même pas une quinzaine de minutes à l'émission, donc on va se dépêcher pour entendre ces nouveaux numéros 1-là, question de pouvoir revenir un petit peu en arrière à des pièces nouvelles de la semaine passée. Donc, en anglophone, en fait, je les dirai pas, je vais juste les faire jouer. Pas de jeu de mots, parce que j'ai personne comme public aujourd'hui, donc écoutons nos numéros 1, puis on s'en reparle juste après. C'est pas le reste, c'est fou! Au 89.1 FM! Thank you. les premières positions des palmarès C'est fou pour la période du 24 avril au 7 mai 2017. On vient d'entendre Lesbo Vrouven et Coloris qui montent d'une place 5e semaine de présence sur l'album Griff Piff. Et avant ça, on a entendu Sago et les Sentiers de Terre qui montent d'une place 4e semaine de présence sur l'album Bleu Jane. Voilà, il reste juste assez de temps. Comme je l'espérais, on est exactement correct pour retourner un petit peu en arrière à des pièces qu'on avait sautées. On n'aura pas le temps de toutes les entendre, bien sûr. On va entendre plus tard Canaille, qui est en 13e place francophone avec Backflip. Mais on commence avec la 14e place anglophone. Voici Jen Grant et Galaxies. Et on vient se dire au revoir juste après. Au palmarès, c'est fou. Tricks of time, out on the road, screaming like my lungs on fire. Do you see me laughing with my love? I thought I'm made of everything that's in a tie. Why aren't we made of crisscrossing out of luck? Tears keep falling, I say my dreams are out of touch. For us, my baby keeps me on the good stuff. Sous-titrage Société Radio-Canada. Canaille avec Backflip pour ce numéro 13 francophone. Ça monte de 7 places de nouveau la semaine passée. Avant ça, Jen Grant avec Galaxies qui monte de la 17e place. Elle aussi était nouvelle la semaine passée. C'est là-dessus que se terminent les palmarès C'est fou pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine en direct. On se retrouve en direct, mais pour une autre émission, parce que c'était la dernière de la saison des palmarès C'est fou. Donc à partir de la semaine prochaine, on parle du 4 mai. Nous serons les jeudis entre 14h et 17h pour Assemblage requis. Mais pour l'instant, l'émission est quand même rediffusée. Elle est vendredi soir. Voyons, vendredi soir à 17h. Après nous, c'est Réanimation et Matière Noire. Et puis les samedis, entre midi et 15h, après nous, c'est En Piste avec Tania Baudin. Donc pour la dernière fois, les palmarès C'est fou en rap. Et on revient jeudi prochain à 14h pour une toute nouvelle édition d'Assemblage requis. Passez une excellente semaine. Bye bye.